I wanna be your dog. C'était bien sûr les Stooges sur WFM, la radio du rock avec, bah, bientôt, il est 20h bientôt, mon dieu, mais c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien évidemment demain à partir de 16h pour encore de belles aventures, de belles histoires autour des plus grands classiques du rock, et j'aurai de belles nouveautés à vous offrir aussi. Sachez qu'il y en a une qui arrive, je peux pas vous dire quoi, mais je suis surexcité à l'idée de vous la diffuser. Sinon, il n'y a pas concert ce soir, alors prenez soin de vous si vous êtes encore dans les transports en commun, en voiture, peu importe l'endroit où vous êtes, écoutez WFM parce qu'arrive dans vos oreilles les All American Rejects, les Liminanas, Toto avec Africa J'adore, Cassius aussi avec Toup Toup, que du bon son sur WFM, c'est comme ça tout au long de la journée, et il faut que vous le sachiez et que vous le disiez autour de vous. Voilà, c'est tout simplement très très important. Célébrons le rock avec là tout de suite Inhaler, c'est le fils de Bono, vous savez, le chanteur de U2. Et bien ça, c'est son groupe. Je vous laisse là-dessus avec A Question of You. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Vive le rock, vive WFM. Bye bye. Working at a 9-to-5 pace. I wonder how bad that tastes when you see my face. Hope it gives you hell. Hope it gives you hell when you walk my way. Hope it gives you hell. Hope it gives you hell. Now where's your picket fence, love? And where's that shiny car? Rock sont sur Wii FM. The Liminanas featuring Bobby Gillespie, Prisoner of Beauty. FM, la radio du rock. semaine, à l'heure du déjeuner, Josquin vous donne rendez-vous pour Midi Culte, votre dose de culture quotidienne. Actu ciné, agenda concert, bon plan, le tout accompagné du meilleur de la playlist de Wii FM, des plus grands classiques aux meilleures nouveautés. Midi Culte, midi 14h, c'est tous les jours sur Wii FM, la radio du rock. Oh là là là là. Pour les 50 ans de l'Apollo, Volkswagen vous fait un cadeau qui va vous donner envie de chanter. Pendant les portes ouvertes Volkswagen, bénéficiez de 50 euros de remise sur vos loyers et profitez de l'Apollo à partir de 119 euros par mois. Pour l'achat d'une Polo neuve LLD 37 mois, premier loyer de 3000 euros, puis 36 loyers de 119 euros après déduction de la remise de 50 euros si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 18 mars dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Adrien Pedrina, responsable du support Infomaniac. Si je fais le choix de venir à vélo tous les jours au travail depuis toujours, c'est car Infomaniac, c'est bien plus qu'un prestataire cloud qui a des solutions collaboratives. Je suis fier de travailler pour une boîte qui agit pour un numérique plus durable. On compense nos émissions à 200%, on prolonge la durée de nos serveurs jusqu'à 15 ans, et on innove avec des data centers qui chauffent des appartements. Avec Infomaniac, vous choisissez un partenaire de confiance pour aujourd'hui et pour demain. Infomaniac, le cloud éthique. Aujourd'hui, vous méritez un nouveau canapé. Oui, vous méritez un confortable poltronnet sofa. Et vous méritez aussi d'économiser 50% sur les nouveaux modèles de la collection. Avec en plus, jusqu'à samedi, la livraison offerte. Oui, vous aussi, vous méritez un poltronnet sofa. Poltronnet sofa, 30 années de qualité. Et voilà. 30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin. Dans moins d'une minute, retour du rock sur Wii FM. Ce mois-ci dans Guitar Part, le NAM, le plus important salon mondial de la musique, nous a ouvert ses portes avec les nouveautés 2025. En invité, Dream Theater dévoile son album Parasomnia. Hugo Frey parle de son ami Bob Dylan. Fanalo rencontre Ron Tal. Guitar Part a également sélectionné pour vous des têtes d'ampli à moins de 1000 euros. Testez le Fender Champion 200 et bien d'autres merveilles. Le magazine est disponible en kiosque et sur l'application Guitar Part. On peut penser que le plus important pour une voiture électrique, c'est d'avoir la plus grande autonomie possible. Ou on réalise qu'on ne fait en moyenne que 37 km par jour. Et ça, c'est la réalité. Dacia Spring 100% électrique est à partir de 16 900 euros, pour tous et sans condition. À découvrir et essayer pendant les jours essentiels du 13 au 17 mars. Étude interne Dacia, Spring 45 hors option. Offre à particulier du 1er au 31 mars. Conditions sur dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Oui, FM. After all the world we've seen, I got my hands full of machine. You could just put online, so I got some peace of mind. I can keep on crying at night. Got no more strength to keep on fighting. Hanging out to hear the ring. All I got is a machine. After all the world we've seen, I got my hands full of machine. You can just put on mine. So I got some peace of mind. Thank you. FM. Oui, FM. I have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin. Thank you. FM. Oui, FM. La radio du rock. La minute culturelle avec Josquin. Les artistes sont-ils identifiables à leur tenue? Eh bien, la question est posée. Les turbans de Rembrandt, les foulards d'Elisabeth Vigée-Lebrun, le pantalon de Rosa Bonheur, la robe de chambre de Balzac par Rodin, la perruque d'Andy Warhol, la robe serpent de Nicky de Saint-Phalle, l'habit fait-il l'artiste? Eh bien, pour la première fois, au Louvre-Lens, art et mode se causent dans une exposition vraiment inédite. De la toge à la robe électrique, du costume d'apparat à la salopette et à la blouse de travail, le vêtement d'artiste révèle aussi bien une époque, une intention artistique que la place de l'artiste dans la société. Et bien ce parcours rassemble plus de 300 œuvres, mêlant comme ça peinture, sculpture, vêtements, création de haute couture, dessin, photographie et vidéo. Ça va de la Renaissance à nos jours et il souligne combien les artistes racontent une histoire du vêtement, mais aussi combien les créateurs de mode se sont inspirés de l'histoire de l'art, d'Yves Saint-Laurent à Christian Dior. Parce que le vêtement peut être une œuvre et qu'une œuvre peut être un vêtement. Il est un langage à part entière que les artistes n'ont eu de cesse d'explorer jusqu'à aujourd'hui. La preuve, au musée du Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert, dans le 62 à Lens. Ça commence le 26 mars jusqu'au 21 juillet et pas plus de 11 euros l'entrée. Retrouvez la Minute Culturelle sur ouifm.fr. We'll be right back. it's caged and frozen still. There is no other pill to take, so swallow the one that made you ill. I used to feel it was a world. FM. Oui FM, la radio du rock. Oh Unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Les meilleures nouveautés rock sont sur Oui FM. The Black Keys, The Night Before.

du rock. FM, DAB+, sur le web et l'appli gratuite. Oui FM, la radio du rock. The hearse. steal some cash from your mother's purse and sign her up for a Ponzi scheme. She'll be rich in cheap face cream. Throw a bender in a cemetery. Bribe the dead to leave us be. And summon the demons that we repress. Swallow a shot glass, then get undressed. Every bad idea just feels exactly like a great idea. And we try to sit still and feel it all, but we'd rather run away than feel it all. You know, I can't say no. Doing everything we can to increase the noise, and we don't care if it's trash that fills the void. You know, I can't say no. La radio du rock. Building, I'm out of weight now. It must have been a Oui FM. Sont sur Oui FM. Oui FM, la radio du rock. But baby, now I'm here for you. matins de 6h à 10h avec le Morning Rock d'Arnold sur Wii FM, c'est le meilleur du rock. Des jeux excitants, des infos passionnantes, de la bonne humeur, l'envie de croquer la vie à pleines dents. Et c'est pas tout. Le Morning Rock, c'est aussi l'assurance de voir revenir l'être aimé, de travailler moins pour gagner plus. C'est aussi une protection contre les virus, les blagues lourdes et l'impuissance dans la sexualité ou la politique. Et en plus, c'est gratuit. Alors n'hésitez plus. Tous les matins, écoutez le Morning Rock sur Wii FM. Quand on veut, on peut. Vous conviendrez que ce n'est pas toujours vrai, sinon le pouvoir d'achat s'appellerait le vouloir d'achat, non ? Chez Nissan, pendant les jours Power d'achat, quand on veut rouler en hybride, on peut. Le Nissan Qashqai e-Power, l'hybride réinventé, est à partir de 199€ par mois seulement, sans condition. Mais pour profiter de ce prix exceptionnel, il faut le commander en mars. Alors quand on veut, on peut, mais on doit faire vite. Nissan. Qashqai e-Power 2024 Ascenta avec option 9, LLD premier loyer 5 500€, puis 36 loyers 299€ si accordé à Accordiac. Détail Nissan.fr. Pensez à covoiturer. Oui, FM. Retrouvez ce titre sur la web radio Wii FM Classic Rock. Wii FM. Look out. I ain't got time for cash. talk, no time for conversation. I ain't got time, ain't got time, I ain't got time to talk. Du rock. I took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge, mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Alaska. She said, "Hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and roll in Asia. We were wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes." Got a better job, so he moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, sir, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Send a picture. Leroy says hello. Leroy says I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage. Oui, FM. Oui, FM. Possession. not to give in. I should have known not to give in. FM, la radio du rock. Les bonnes histoires du rock avec Dom Kiris. Il était une fois jeune et con par Damien 16. Ça commence comme une intro de batterie et de guitare saturée digne d'Oasis, puis arrive une petite voix fragile avec des paroles en français qui réveillent l'ado qui sommeille en chacun de nous. En 1999, Damien 16 débarque de nulle part sur la planète France avec Jeune et Con, qui a tout de l'hymne fédérateur pour aborder le nouveau millénaire. Mais déjà, l'artiste de 22 ans fait des remous dans les rangs du public rock français. On l'aime ou on le déteste et sa voix nasillarde en agace encore plus d'un. Péremptoire dès son entrée sur la scène médiatique, le jeune chanteur a déjà l'allure d'un poète maudit. Mais derrière ses états d'âme est tapis un travailleur de l'ombre, tenace et exigeant. Enfant de la mixité, né en Haute-Savoie en 1977, Damien 16 a été beaucoup trimballé dans son enfance, selon ses dires dans la presse. Cependant, il est redevable à ses professeurs de lui avoir transmis le goût de la grande littérature et de la musique. Très jeune et vraiment pas con, il a appris au conservatoire à jouer les grands thèmes classiques, mais il a tout envoyé balader quand il s'est converti au punk rock à l'adolescence. Dès le premier album Jour étrange, on perçoit un clin d'œil à l'album Strange Days des Doors. Mais le chanteur français avant tout revendique Balzac ou Zola en ligne de mire et surtout il réfute le rôle de porte-parole d'une génération. « Je suis juste une petite voix perdue dans une foule de gens désabusés », déclare l'enfant terrible du rock français des Millenniums. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard, je me suis rendu sourd. Encore, encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant. Gentiment se coucher, mais demain rien n'ira mieux. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les plombs, mais ce monde s'en fout. Puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu. Mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves. Je connais trop la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tous les jours. Mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence. Alors elle va danser, faire semblant d'exister. Qui sait. On vivra vieux, puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout, puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons comme des fous, comme des fous. planète France. J'ai depuis longtemps perdu mes rêves. Je connais trop la danse. Comme toujours, il est 8 heures du soir. J'ai dormi tout le jour. Je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour. Oui FM. Oui FM. FM. Classique. Oui, FM. Happy in his world. angel says he's happy. He must be happy. He must be happy. He must be happy in his world. Sur Wii FM. Kezia Jones, Melissa.

jours, toute la journée, écoutez Oui FM sur son appli gratuite. Oui FM, la radio du rock. I will.

Oui FM. Oui FM. I wanna sink to the bottom with you. I wanna sink to the bottom with you. The ocean is big and blue. I just wanna sink to the bottom. I just wanna FM. Oui, FM. Have you come here to play Jesus?